Vous connaissez la chaîne BFM TV ? Bien sûr. Ils sont spécialistes pour les infos en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec le direct, toujours au cœur de l'information. Mais toujours en direct sur place, ils couvraient les grèves SNCF il y a quelques semaines. Alors, vous vous souviendrez peut-être de ce moment, c'était incroyable, mais vrai. Ils avaient sur le quai interrogé une dame qui montait dans son train et... Ils l'ont peut-être interrogé trop longtemps. Et du coup, vous tentez quand même, c'est l'aventure. Oui, je tente. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ouh là là, le train est en train de partir. Mince, j'ai perdu le train. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? Là, mon train est parti, j'ai plus trop envie de comprendre quoi que ce soit. Probablement le seul de la journée. Je suis le seul à me demander si elle avait pas ses bagages dans le train. Putain, oui, quelle horreur. Quelle horreur. Comme Mr Bean. C'est vrai, comme dans ce film. Toi, en fille. Ouais, c'est vrai. Sachez que hier matin, 7 mars, grève SNCF, on a retrouvé sa valise. Non. Même journaliste, même timing, et je peux vous dire que là, même écrit pour un film, on n'aurait pas pu le faire. Écoutez ce que la journaliste dit. Et écoutez bien ce qui se passe juste derrière elle. Ça se passe pas trop mal et Anne va partir... Oh, attention ! Voilà. Vous voyez, voilà. En fait, vous voyez, ici, derrière, la dame, le mec est tombé entre le train et le quai. Mais quelle idée ! Elle est en train de dire à BFM TV, voyez, voilà, tout se passe bien. Et voilà, quelqu'un qui se tôle entre le train et le quai, juste derrière. Et comment il s'y est pris? Ça aurait pu être moi. Ouais, c'est vrai. Avec la chance que j'ai. Imaginez la même chose en direct sur le plus gros événement de ces derniers jours, le salon de l'agriculture. Oui, je suis actuellement en direct du salon de l'agriculture. Malgré le bruit ambiant, vous constaterez qu'il y a une chouette ambiance ici et tout se passe plutôt bien. Ramasse tes vaches. Gros abruti. Tu t'es vu avec ta gueule de con, abruti connard. Voyez, voilà, il se passe toujours quelque chose ici sur BFM TV. Ah, ils sont partout, mais même un peu trop partout. Oui, je me trouve en direct sur les lieux où s'est produit à l'instant l'événement. Un homme blanc dans un bureau de production audiovisuelle a renversé un liquide noir et chaud qui s'apparente, semble-t-il, à du café. Oh putain. Il a mal et il est rouge. Ah, est-il dans cet état car le produit s'est renversé sur son ordinateur? Oh merde, le clavier, putain. Ou sur sa chemise blanche? Non mais casse-toi, toi. Non, ah, casse-toi. Il semble me faire des grands signes. Une déclaration BFM TV en exclusivité. Arrêtez, cassez-vous, putain. Cassez-vous. Il s'emporte en direct. Allez me chercher des serviettes pour le clavier, merde. Ah, toujours au cœur de l'info.